pour te le dire, dire, dire. 4 heures sur Énergie, je suis Marie, vous êtes là avec moi, c'est cool. C'est le méga best-of de toutes les meilleures émissions. Coé, Rico Show, Mickaël, Emmanuel dans le 6-9 sur Énergie. Et on commence avec Jonas Blue pour la musique. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom, écoutez Eddie de Préto dans la playlist Énergie. Et avant, voici un bête d'extrait de l'émission de Mickaël sur Énergie à partir de 23h ce soir pour l'écouter en direct. Il y a les appels bienveillants que nous allons faire maintenant. Et donc, pour tromper, plus de risques de vous faire prendre. Maintenant, il y a de plus en plus d'applis qui font les chambres à l'heure ou à la demi-journée. Ce qu'on appelle également des hôtels de passe. Hein. Plus communément appelés, quoi, on va dire. Hein. Bah non, parce que là, c'est des hôtels normaux qui font les chambres à l'heure. Bon, mais ça devient une hôtel de passe. Pas du tout. Bah, il y a des grands hôtels, des 4 étoiles, tout le bazar à Paris qui font ça. Ouais, mais ça reste quand même. Enfin, ils le font pas. Tu prends à la demi-journée, bon, passe encore. Tu peux revenir d'un voyage ou tu vois n'importe quoi. Mais une heure. Si non. C'est pas pour aller baiser. Bah ouais, mais. Non, c'est pour faire une grosse sieste. Juste là, mais c'est vois. Vrai qu'ils le font passer un peu bizarrement. J'ai vu un reportage là-dessus. C'est pas super légal parfois. Il y a un peu d'argent bizarre. Ah, bah voilà, c'est ça. Bon, comme par hasard, Minel, c'est tout ça. Hein. Mais j'ai vu un reportage dessus. Oui. Mais pour eux, c'est rentable. Si le mec vient récupérer sa chambre le lendemain matin, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais je suis d'accord. Bon, du coup, Tof, tu vas prévenir tes amis? Bah évidemment. Allez, on y va, on appelle grâce au numéro que vous envoyez chaque soir, toph@energie.com. C'est anonyme, hein. Vous pouvez balancer même votre pire ennemi, on ne dira jamais qui nous a donné le numéro de téléphone, vous pouvez dormir tranquille. Allez, même si vous prenez une nuit pour une heure, enfin, si vous prenez un hôtel pour une heure, il n'y a pas de problème. On y va? Allons-y. C'est parti. Bonjour, Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Ah oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà trompé votre femme à l'hôtel, monsieur? Donc t'es sérieux, toi? Oui, je suis sérieux. T'es qui? Toff. Moi, je m'appelle Toff, monsieur. C'est quoi ce prénom? Bah, c'est mon prénom, monsieur. Vous vous appelez comment, vous? C'est quoi ce nom? Bah, c'est arrête mon... de me poser des questions débiles, t'in. Bah, je vous pose. J'en ai marre, c'est encore de la pub. Non, c'est pas de la pub, monsieur, c'est juste parce que je voulais partager une bonne nouvelle avec vous. C'est quoi? Une radio, un magazine, un sondage? Ah non, moi, je vous appelle de ma chambre. Moi, je suis. T'as rien d'autre à faire? Non, j'ai rien d'autre à faire, je suis au chômage, monsieur. Bah, va te branler. Bah, pour aller que je fasse ça, monsieur. Je me suis dit, branlé deux fois aujourd'hui. C'est passé, hein. Ah bah non, mais je m'en ferai une ou deux encore tout à l'heure, mais. Mais là, c'est parce que je voulais partager une bonne nouvelle avec vous, monsieur, c'est pour ça. Alors la question, c'est quoi? Est-ce que j'ai déjà trompé ma femme à l'hôtel? Oui, voilà, c'est ça. Non, bah, j'ai jamais fait ça, moi. Ah, vous. Bah parce que j'avais une bonne nouvelle. Bah maintenant, il y a plein d'hôtels qui font les chambres à l'heure. Du coup, vous allez sur l'appli, vous réservez pour 2 ou 3 heures, vous faites votre affaire et puis chacun rentre chez soi. Ah ouais, bah ça peut être pas mal avec ta mère alors. Ah bah ça, après vous faites avec qui vous voulez, monsieur, moi ça me regarde pas. Hein. Moi je vous explique juste comment ça marche. Elle est là, ta mère? Non, elle est pas là, mais pourquoi vous vouliez parler à maman? Ah ouais, bah avec plaisir. Hein. Ah, et bah écoutez, si vous voulez, je vous rappelle demain avec maman. Et bon, c'est comme ça, mon frérot. Eh ben parfait, monsieur, je vous rappelle demain. Allez, bisous. Bisous. Ah bah très bien, bah écoute, je pense que maman a un nouveau date. Oui, visiblement. On l'appellera demain, donc c'est pas très grave. En attendant, on appelle à l'autre. Ah bah oui. Allez. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà été à l'hôtel pour tromper votre femme? Pardon? Est-ce que vous avez déjà été à l'hôtel pour tromper votre femme? À l'hôtel? Oui, à l'hôtel, oui. Ah, je vois pas, l'hôtel. Moi, je suis dans un village, là. Hein. Oui, d'accord, mais peut-être que vous auriez pu aller dans un hôtel pour tromper votre femme. Bah, mais pourquoi faire? Bah, pour la tromper, monsieur, pour coucher avec une autre. Mais qui êtes-vous, là? Toff, monsieur, moi, je m'appelle Toff. Mais à quel sujet vous appelez? Bah, juste pour savoir si vous avez déjà été à l'hôtel pour tromper votre femme, monsieur, c'est tout. Ah non, moi je vois pas d'hôtel ici, je suis un village, il y a 400 habitants là. Ah oui, et vous trompez pas votre femme? Alors il n'y a pas d'hôtel, hein. D'accord, bon ben parfait. Eh ben on souhaite une bonne soirée, monsieur. Bah écoutez, merci. Bah je vous en prie, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Bon alors s'il n'y a pas d'hôtel. Oui, il n'y a pas d'hôtel, 400 habitants. Eh ben oui, 400 habitants. Quelle était la probabilité qu'on tombe sur un mec qui habite dans un village de 400 personnes? Eh bien écoute, je ne sais pas, mais en tout cas nous avons réussi à tomber pile poil dessus. Tant pis, c'est pas grave. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tous de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tout sens des fils à fer et dopé de chair de nerfs protéinés. Tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité abusive. Virilité abusive. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Le Rico Show sur NRJ, 20h-23h avec le VTC de la peur, avec des cadeaux à choper dès ce soir. Et Rico Show, eh ben c'est un showman. J'adore écouter. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur NRJ. Elle est là, elle s'appelle Laura et elle va tenter de gagner son permis. Elle a fait le 0870-42-48. Comment elle va, Laura? Elle va très bien, ça va. Salut Laura. Laura, ma petite chérie, grâce à Objectif Code et SGS, tu peux remporter 1200 € de permis de conduire. Il va falloir que tu sois bonne avec Sylvain. Enfin, avec Sylvain. Attention. Puisque vous allez être un binôme. Ah oui. Non, rien à voir. Sans transition avec Marlène. Non, rien à voir. Qui était là juste avant. Sans transition, Laura, elle est là. Elle veut son mi-père. Malora, attention, j'ai posé des questions à Sylvain. C'est parti. Il peut remporter ton permis s'il a deux bonnes réponses. Question numéro 1. Sylvain. Ouais. Il peut y avoir deux questions. Hein. Oui, je sais. Il peut y avoir deux bonnes réponses comme au col. Le rétroviseur permet de voir tout ce qui se passe à l'arrière du véhicule. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Bah le rétroviseur, oui, tu regardes en arrière, bien sûr. C'est faux. Mais non. Pas du tout. Il y a aussi l'angle mort. Oh. Évidemment. Bah tu me l'as pas dit l'angle mort. Non mais c'est pas uniquement, c'est des pièges, c'est comme ça le code. Tu passes ton code, frérot, tu passes ton code dans une semaine, c'est que ces questions-là te font perdre ton code. Donc c'est fou. Bah oui. Mais normalement ils disent de trois réponses. Non, normalement. Non, je te jure. ABC. Non, oh, non. Le piège, ouais, non, c'est si, comme si je te dis, est-ce que le volant te permet de tourner à droite, vrai ou faux? Tu dis faux parce qu'il me permet aussi de reculer. Ah ouais. Eh ouais, c'est un tarbat. Le code, c'est un tarbat. Non, mais il est comme ça le code. Je te le dis. Je suis pas prêt de l'avoir. Hein. Mais c'est comme ça. Il faut que tu envisages toutes les possibilités. Comme si je dis potard permet de bien faire l'amour, faux. Il est aussi capable de réfléchir. Faux. Oui, voilà. C'est un petit peu ce délire-là. Attention, t'as plus que deux chances, mon Sylvain. Question numéro 2. Pour réduire ma consommation de carburant, je retire le pied de l'accélérateur, je rétrograde jusqu'en deuxième, je jette Sarah par la portière pour réduire le poids. La A et la B. Bonne réponse, voilà. Là, ça rentre, mon potard. Attention, question numéro 3. Que doit-on avoir obligatoirement sur sa voiture quand on effectue la conduite accompagnée? Deux rétroviseurs extérieurs latéraux. Ouais. Deux rétroviseurs extérieurs latéraux et le disque réglementaire de la conduite accompagnée. La B. La B. Ouais. La B. Ah oui, la B. La B et. La B. Et quoi? La B. C'est une bonne réponse. Ah, purée. Parce que si t'as que les deux rétroviseurs latéraux, t'es mort, il faut aussi le disque. Voilà. Bravo. Bravo, mon Sylvain. Ouais, Laura, tu gagnes ton permis. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Energy. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Energy. Some days things just take way too much of my energy. I look up and the whole room's spinning. You take my cares away. I can so overcomplicate. People tell me to medicate. Feel my blood running. Just keep breathing.

17h30, vous allez être mais plein aux as, cette vieille expression. Non mais c'est grâce à Coé, c'est le cache-cache énergie. Vous envoyez Coé maintenant par SMS au 7 10 12 pour gagner 10 000 euros tout à l'heure sur énergie, pendant qu'on écoute le meilleur de Coé et Drake juste après. 17h-20h, c'est Coé sur énergie. Voici des chansons. Je vais vous demander de me chanter vite fait. Alors je demande aux gens de l'équipe, après j'irai peut-être faire un tour dans le public. Oui. Aux gens de l'équipe, je vais prendre des trucs durs au début. Hein. Ok. Dépêche Mode. Jeff, tu connais Dépêche Mode ? Oui. Si je te dis par exemple Personal Jesus. Oui. Est-ce que tu te souviens du début ? Oui. Ça fait quoi ? What's on no face, ponky the pon limbon. Je t'ai pas demandé de faire les instruments, je t'ai fait demander les paroles. We can't just face. Stouf, tu ferais ? Non, ça finit pas. Attends. Non, vas-y, vas-y. Non, j'ai dit, réfléchissez pas, vous êtes chez vous, vous. Oui, il faut que ça ait un sens quand même, hein. Faut que ça ait un sens. Je vous la fais écouter vite fait. Reach out touch face. Mico, Et ben moi j'ai fait partie des gens qui dans la voiture faisaient toujours reach out and face. Et ben en fait les vraies paroles c'est reach out and touch face. Reach out. Qui veut dire? Reach out touch face. Ok. Et ben je viens de le découvrir. Jamais trop tard. Eurythmics Sweet Dreams, vous vous souvenez? Oui. Ah. Melodies. Refais-le Jeff. Sweet dreams of melodies. Sauf. Sweet dreams of made of these. Elle est, voilà, elle l'a dit. Tout le monde chante Sweet dreams are melodies. Tout le monde fait Sweet dreams are melodies. Et ben pas du tout. C'est Sweet dreams are made of this. Ah bon? Les deux rêves sont faits de cela. Mico? Oui. Michael Jackson? Laquelle? Vas-y. Oui, non, ça tu l'as jamais avec. Non, mais je connais aucune parole, moi. Okay. Je ne connais aucune parole. Jeff? Et le gars du public ensuite? Tout le monde la chante comme ça, mais c'est l'argent. Bien sûr. Surtout celle de Jackson. Hein. Attention, passe-moi une des. Voilà, on y va, mademoiselle, le prénom? Aurélie. Bonjour. Hein. Attention. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je veux encore un essai dans le public. Attention, on le refait une dernière fois. À côté, mademoiselle, le prénom ? Moi, c'est Lindsay, mais je. Comment ? Lindsay. Oui, Lindsay, et ? Et bah, je sais pas. T'as un mot d'excuse de tes parents ? Non. Et bah, tu le feras. Et bah, le when they get defeated, les paroles, c'est No one wants to be defeated. Comment ? No one wants to be defeated. Je vais rester sur ma version. Regarde, regarde ça. No one wants to be defeated. Pas mal, non ? Alors, est-ce que tu peux faire la Bon, allez, je vais faire plus simple. Ok. Oh non, oh non. Attends, excusez-moi les Spice Girls là. Elles ont morflé. Les nôtres. Et du rabat à la cantoche. Nous on a l'impression que c'est des Spice Girls qui se sont bouffées entre elles, il en reste que deux. Elles sont où les autres? Elles sont avalées. Alors, il y a une fusion. Alors Spice Girls, on y va. Vas-y Jeff, je te fais partir et tu me montres ce que ça donne. Attends, on va faire un truc. Fais pas la voix, te fais pas chier à faire la voix. Mais non. Tell me what you want, what you really want. Do you know what you want, what you really want? Don't really what you want, what you really want. I know you what you want, what you really want. Yo, what you really want, what you really want. Eh oui, la chanson s'appelle What You Really Want, What You Really Want. Il a raison, c'est ça. Stouf, vas-y. So tell me what you want, what you really want. So tell me what you want, what you really want. I tell me what you want, what you really want. I wanna zig zig zig. Ah. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Yo,

sur NRJ. Et avant, c'est le best-of de Mickaël. Salut. Cri d'Arcachon qui est là. Salut. Salut Cricri. Salut Cricri. Arcachon. Absolument. Oui. Arcachon. Oui, je suis là, pardon. Absolument. Oui, Arcachon. Je suis là. Oh là là là là. Arcachon. Bon, qu'est-ce qui se passe, Cricri d'Arcachon? Arcachon. Non, vous parlez de... Oh merde, je me confine dans le cumulus là. Tu fais pas interférence? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, mon mais non, Dieu. Mais c'est ça. La vache. Non, je suis pas bourrée. J'essaie de trouver une pièce. Il ne faut pas que ça fasse interférence par rapport à la tour de son. Donc, oui, parler de voyage. Donc, Yves doit écouter. Voilà, tout simplement. Donc, je suis sage. Non, non, je ris parce que vous n'arrêtez pas de déconner. C'est pour ça. Ah, bah oui, nous sommes de grands déconneurs, Cricri. Oui, mais alors. C'est un terme inventé pour nous. Parler normalement. Ça n'arrête jamais chez vous. Oui, donc, alors. Si, qu'on va dormir à un moment donné, Cricri. La France, oui. Non, je ne vais pas vous retarder. OK, le timing, je connais. Je ne vais pas y arriver. La France est vraie, Yves. La France est très belle, magnifique. Il y a de partout. La France profonde, je ne la connais pas vraiment. Mais bon, avec les chevaliers du fiel, je pense qu'on peut la connaître. Vous connaissez les chevaliers du fiel? Oui. Voilà, ok. Voilà, mais j'aimerais savoir où veux-tu en venir? Par contre, aller à l'étranger, les pays orientaux, c'est magnifique. C'est une culture, c'est une architecture. Une alimentation autre qui est curieux à connaître. The curieuse. L'asiatique, tout ce qui est asiatique. Alors je ne suis pas de l'asiatique. Asiatique. L'asiatique. Okay. Oui, c'est pour bientôt. Non, ça. L'asiatique. Non, je n'ai pas l'asiatique. Ah. Merci, ça suffit. Ok. L'asiatique. L'arthrose. Ah oui. La cirrhose. Non, la cirrhose non plus. Bon, ensuite, j'ai une infirmière. Ça se voit tous les jours. Qui est passé ses congés d'été en Islande. Oui, c'est bien l'Islande, il paraît, oui. Non, c'est magnifique. Ouais. Bon, faut aimer la paraît demander. Qu'est-ce que vous allez foutre en Islande? Si, bienvenue, et ramenez-moi un viking, parce que l'Islande, c'est le pays des vikings. Effectivement, on a raconté les anecdotes. C'est pas la Norvège? Mais allez, la géographie, là. C'est pas de la géographie, c'est d'histoire, les vikings. Bon, et où veux-tu en venir, Cricri? Là, je comprends rien, j'ai l'impression ton cours d'histoire. Ah bah, faudrait que tu vois comment tu parles le reste de l'école en particulier. C'est pas la peine, hein. Allez, reprenez vos cours élémentaires. Non, mais c'est vrai, mais tout ce qui est culturel. Alors, Yves, tout ce qui est culturel qui est hors France, bon, c'est vrai, la France, c'est le béret rouge, la baguette de pain sous le bras. Pas forcément rouge, hein. Non, oui, c'est ça. Les bah, arrêter les conneries, il n'y a que les Américains qui pensent qu'on est comme ça. Il n'y a personne avec un béret et une baguette dans la rue. Si, il y en a. Ah, c'est rare. Ouais, mais les vieux aussi. Et le litron de vin, quand même. Le cubi, Cricri. Oui. Allez, voyager. Croyez-moi, s'il faut voyager. Bon, j'avais le portefeuille et la santé pour, je ne serais pas en train de me faire chier sur le bassin d'Arcachon. Hein. Oui, mais si tu mettais pas tout dans le cubi aussi. Bah, c'est ça aussi. Hein. Bon, eh ben, en tout cas, merci, Cricri d'Arcachon. Hein. Pas déranger plus longtemps, c'est que t'as beaucoup de travail. Allez, tranquille, oui. Non, c'est merci pas grave. Merci pour tout. Mais... Allez. Bonne nuit, bon. Cricri. Oui, il n'y a pas de problème. Hey, santé aussi. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Nacho. Rising up. another done. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be. Shawn Mendes pour se réveiller, mais c'est parfait, c'est juste trop posé. Et là, voici 2 minutes de bonheur avec Rico, le Rico Show sur NRJ, 20h-23h. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur NRJ. News complètement folle aujourd'hui, les amis. On les a sélectionnés à la rédac. Et croyez-moi, il n'y a que du lourd. 3 belles news, mais 3 vraiment grâce. Hein. Grâce, vous allez kiffer. Il y aura le VTC de la peur et puis on parlera concession aussi, les amis. C'est vrai qu'on fait des fois des concessions dans notre vie, à juste titre ou pas. on en parle. Vous en avez peut-être fait, vous le regrettez aujourd'hui. Sylvain a arrêté les études pour une meuf. Enfin, c'est ce qu'il essaie de nous faire croire. Et aujourd'hui. Ah ben, c'est la preuve. Hein, quand je parle, un petit peu. Elle est avocate maintenant. Hein. Pour porter plainte contre lui, elle est dans le juridique. On accueille Delphine qui a fait le 0870 70 42 48. Elle habite Hénin-Beaumont. Comment elle va, ma Delphine? Ça va très bien. Salut. T'es en forme? T'es en couple, Delphine, ou pas? Oui. Ah, t'es en couple. Depuis combien de temps? Bientôt, bah, un an et demi, quasiment. Ça se passe bien? Il y a des hauts, il y a des bas, ou vraiment c'est toujours le top? Non, il y a des hauts et des bas. Ah. Elle arrive. Non, mais c'est vrai, elle a dit, je suis pas mytho. On s'est embrouillé juste avant. Elle m'a dit, c'est qui ce mec? Ouais, mais c'est pas un couple aussi, si on est toujours d'accord. C'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai, Sarah, elle est toujours d'accord. Hein. Enfin, sur rien. Sur l'idée de on ne rien faire. On s'embrouille tous les jours. Ah, c'est vrai? Il y a au moins une embrouille par jour. C'est pas vrai. Parce que moi, je suis une relou. C'est vrai? Moi, je suis très relou. J'aime, tu t'embrouilles avec ta meuf aussi? Pas tous les jours, sinon je la garde pas. Tu bon, en même temps, il est 15 heures par jour dehors. Ah, là, c'est ça. Non, non, on va dire là, une fois par mois, mais une grosse embrouille. Ah, ouais. Ou une fois par semaine pour des petites conneries, mais c'est gentil, je la fais un peu chier. Quoi. Ah, c'est fort, toi, Sylvain? Non, mais 15 heures dehors, le reste sur FIFA en général. Ah, oui. Mais bah, dis-toi, pas du tout, ça fait au moins 2 mois, j'ai pas allumé la PlayStation. C'est normal, parce que le 18, le FIFA 18 étant sorti depuis un moment, il était fatigué. Ouais. Là, le 19 sort, c'est mort. Il va pouvoir repartir. J'ai même pas le temps, j'allume plus, les gars. Bon, généralement, au mois de novembre, il y a un break. C'est autre chose que j'allume, là, pardon. Oh non. Eh bien, Delphine, j'ai l'étude du jour. Uriner devant son partenaire est un signe de la bonne santé de votre couple. Ah ben, on est en bonne les santé. Amis, c'est une sociologue américaine qui a publié une étude qui prouve que les couples sans complexe sont plus heureux et plus épanouis sexuellement que les autres. Selon elle, il faut en finir avec l'image parfaite et poétique du couple qui n'a pas mauvaise haleine au réveil, qui ne pète pas au lit. Au contraire, si vous faites du genre à pisser la porte ouverte, cela signifie que vous entretenez une super bien relation. Sûr. La question, Sarah, est-ce que tu pisses ta porte ouverte? Alors moi, je pisse la porte ouverte, donc mon mec, pendant qu'il se brosse les dents, je le vois pisser. Ouais. Et aussi, dans le lit, il peut m'arriver d'avoir des petites fuites. Ah non. Des fuites de gaz. Des fuites de gaz. Vous travaillez chez GRDF. Mais par contre, ça me dégoûte, moi, son haleine, je veux pas qu'il m'embrasse le matin. Il en est hors de question, je l'embrouille et tout. Ah là là, le matin, je l'esquive comme jamais. C'est vrai? Ah, je peux pas. Ah, c'est terrible. Ah, ouais, je peux pas. C'est fétide. Oh là là. Horrible. Moi, il paraît qu'avec l'amour, les odeurs s'en vont. Mais jamais de la vie, t'es sérieux? Non, j'y aime. Ah, moi, j'ai pas de soucis, c'est le matin, c'est le soir, y a pas de soucis. Mais par contre, vraiment, moi, je fais pipi, je fais autre chose aussi, la porte ouverte. Ah, oui. La grosse commission. Je suis obligé, j'y vais 3 fois par jour. D'accord. Donc c'est à l'aise. Delphine, toi, est-ce que t'es aussi à l'aise? Est-ce que tu fais pipi la porte ouverte devant ton mec? Ben, pipi devant mon mec ou bof, mais la porte elle est pas fermée, quoi. Ah, oui, bon, elle est pas fermée à double tour. Bon, en même temps, s'il sait que t'es là, Sylvain. Et quand on fait dessus, ça, c'est quoi? Non! Mais t'es dégueulasse, toi, une gueule! Ah non, ça arrive! Là, il faut se faire interner, je sais pas. Non, mais si on fait dessus, c'est quoi? Bah, je sais pas. Il est complètement con. En tout cas, ce serait-ci de bonne santé, les amis. C'est complètement. On est en bonne santé. Toi, tu pisses ou pas? Si t'as vu une nana, tu fais pipi devant elle, normal? Oui, ça me dérange pas. Tu fais beaucoup de choses étranges. Non, mais déjà, énergie, je laisse la porte ouverte quand je fais pipi. Mais c'est vrai. Tellement que je suis à l'aise avec tout le monde ici dans la station. Par contre, Sarah, t'es à l'aise avec moi. Parce que la dernière fois, je l'appelle, je te jure, on est en train de se briefer sur l'émission. Je lui dis, écoute, va me récupérer le numéro d'un truc. Elle me dit, écoute, je t'explique, je finis, Diech, et je te rappelle. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs, du lundi au vendredi, de 20h à 23h. Sur Énergie. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I need somebody now. I need somebody now. Someone to help me out. I need somebody now. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Énergie en partant au travail ou alors vous êtes déjà debout, et bah il n'y a rien de mieux que d'écouter la superstar Energy Pink. Et là voici le best-of que j'avais envie de vous faire écouter ce matin parce que c'est juste trop bien. C'est Koé sur Energy, 17h20h. 17h20h, c'est Koé sur Energy. Quand je vous disais que ça cartonnait dans tout le pays, vous connaissez cette chanson dans toute l'Europe, cette chanson Maître Gims et Vianney, vous la connaissez tous, bien sûr. Voilà. Ça, c'est Vianney. Oui. Mais eh bien, il y avait Maître Gims et Alvaro Soler. Ah. Écoutez. Et bien, alors, ça passe dans quel pays? Alors, c'est où? Ça passe. C'est pour quoi? Quelle version? En Espagne, non? C'est en Espagne, c'est pour quel pays? Oui, aussi. C'était en Spotify, à diverses, aussi en latin, Latin-Amérique. Et c'est oui, je sais que c'était une version la même avec Vianney, c'était une hit. Tu parles allemand? Oui, je parle. Tu parles allemand? En allemand, ça se dit Wenn ich dich ärgere, ist es dasselbe. Wenn ich dich ärgere. Voici le texte en allemand. Oui, oui, c'est la traduction. Ouais. Allez. Ah, je dois, oui. Bon courage, mon ami. Attention. Yeah. Wenn ich dich ärgere, ist es dasselbe. Wenn ich dich ärgere, ist es dasselbe. Oh, ouais, c'est tout faire. Je vais faire en espagnol, allemand encore. Oh, oui. C'est vrai que c'est dur, même en français. Attends, je vais essayer en français. La pression. Si je vous gêne, là c'est la même. Si je vous gêne. J'ai dans ma vie, oh ma liberté, chérie. T'as essayé en français de le faire ou pas? Comment en français, tu saurais le faire? Oui, la, cette part. Oui. Ok, c'est sûr. Ok. Ah ouais. Je te chauffe la voix pour après. Hein. La part du Vianney, c'est. Oui, c'est ça. Si je vous gêne, passez la même. Si je vous gêne. Bah pourquoi il l'a pas gardé? Voilà, il est très bien. J'ai goûté ça. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Comme un serpent, je suis sûr de sang, un peu comme Satan. Complètement

au-dessus de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera à quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, mon ami, mon ami Tiago. Mon ami, mon ami, mon ami. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bon bricoleur. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon. Tout le monde, bienvenue sur Énergie. C'est bientôt le week-end et on se fait l'horoscope de ce vendredi 28 septembre sur Énergie. Énergie, l'horoscope. Je commence par les béliers. Aujourd'hui, il vous est conseillé de prendre votre temps, que ce soit dans le travail ou tout simplement pour profiter du moment présent. Les taureaux, il faut faire avec en ce moment, quel que soit votre domaine. Il y a toujours plus fort que vous et là, il semble que vous vous heurtez à quelqu'un de terriblement déterminé à vous montrer qu'il ou elle est supérieur à vous. Les gémeaux, soyez méfiants, cela vous servira, mais ne pensez pas non plus que tout le monde veut prendre votre place. Les cancers, vous pouvez avoir confiance en l'avenir. Les lions, il se peut que Jupiter vous donne l'impression que vous devez vous affirmer, que vous devez prendre plus de place sous peine de rater la marche qui pourrait vous faire monter d'un cran. Les vierges, Jupiter vous envoie justement pour mission de vous valoriser, surtout de valoriser votre ou vos activités. Balance, il se peut aussi que votre libido soit un peu en folie et que vos désirs, vos besoins sensuels soient eux aussi plus importants que d'habitude. Les scorpions, vous pourriez bien vous voir tout en haut de l'affiche, mais il s'agit d'un aspect lunaire aussi. Cela ne durera que quelques heures et vous retrouverez une vision normale. Sagittaire, d'habitude, vous aimez votre travail, mais aujourd'hui, vous préférerez nettement déléguer et passer du temps avec un ami, probablement pour lui rendre service. Les capricornes, un geste amical de la part d'un proche ou de votre part à vous peut également vous réjouir et vous donner une meilleure image de vous et des autres. Les Verseaux, votre bon cœur risque de se révolter face à une injustice ou face à des dépenses inconsidérées de la part de votre entreprise. Et enfin, les Poissons, vous vivez une période très agréable en termes d'évolution professionnelle ou de développement personnel. Allez, on revient avec Dinoro dans la playlist Énergie. Il y aura également Soprano et Manu qui arrive à 6h en direct. Bon réveil tout le monde. Quelle radio double votre salaire en vous réveillant le matin? Énergie. C'est gagné. Quelle radio vous raccompagne à la maison en vous éclatant? Énergie. Est-ce que vous avez un micro dans le supermarché? Me dites pas non, je l'ai déjà vu. Est-ce que... Chers clients, écoutez Coé tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. Quelle radio vous offre 50 000 euros avec la playlist suprême? Énergie. Quelle radio vous fait découvrir les plus grands hits des plus grandes stars toute la journée? Énergie. It's music only. Ce vendredi, jackpot Euromillion de près de 151 millions d'euros. Montant à partager au rang 1 et plafonné à 190 millions d'euros, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Gagner avec énergie, 1200 euros de permis de conduire, offert par SGS, objectif code. Le Rico Show. Salut, c'est Emeric. Tous les soirs entre 20h et 23h sur énergie, je vous offre pour 1200 euros de permis de conduire grâce à SGS, objectif code. Énergie, hit music only. Gagnez toute la journée. Votre compil Énergie 300% hit 2018 volume 2. Tous les artistes sont réunis sur 3 CD. Avec en exclu Jane, 3 cafés gourmands, Dinoro et Gigi D'Agostino, Clean Bandit et Demi Lovato, Big Flo et Oli et Petit Biscuit, Kenji Girac, Maître Games. La compil Énergie 300% hit 2018 volume 2, déjà dans les bacs. Énergie. Yeah.

como las olas del mar. Ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Déjà dans les couloirs, d'ailleurs il va m'amener un café, toujours plus. C'est Manu dans le 6-9 sur NRJ qui arrive à 6h du mat. Et là, on est en place avec ce meilleur passage de son émission. Manu dans le 6-9 sur NRJ. Voici les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, et les messages vocaux aussi que vous nous envoyez grâce à l'application Manu dans le 6-9. Ouais. Nico du Web lit tout. Nico du Web écoute tout. Nico du Web n'est pas débordé. Non. C'est vrai. Et il partage tout ça avec nous chaque matin. Ouais, bah on commence avec quelques messages pêle-mêle qu'on a reçus sur notre page Facebook, Twitter et Instagram. Ouais, je trouve que cette expression n'est pas assez utilisée. Ou alors trop. Voilà, déjà on l'a fait aujourd'hui, c'est très bien. Quelques messages pêle-mêle. Voilà, il y a Anaïs sur Instagram qui nous a demandé: une amie m'a demandé d'être la marraine de sa fille, j'hésite, je dois faire quoi si je dis oui? Alors, ah. alors moi je suis parrain d'un, de la fille. C'est une fille? Oui, c'est une fille. De la fille d'un pote, et j'ai hésité à dire oui parce que je me suis dit waouh, mais quelle responsabilité. Bah ouais. Puis une fois, après tu dis oui, et puis après la responsabilité est pas si énorme que ça, quoi. Ouais, mais franchement. Ça coûte cher. C'est double ration de cadeaux, quoi. Faut faire anniversaire et Noël. Non, mais c'est vrai, à chaque fois faut offrir des cadeaux, quoi. C'est pas qu'une responsabilité. Ça peut faire plaisir, tu sais, Glandu, d'offrir des cadeaux. Ça peut rendre heureux. Non, mais ça me fait très plaisir, mais moi, à mon portefeuille, quoi. Mais moi, ça me fait très plaisir. Bon, un autre message qu'on a reçu sur Facebook, je suis désolé, Manu, c'est Sandrine qui nous demande: à quand le retour de l'horoscope sur NRJ? Alors, c'est une bonne question. Ouais, ouais, ouais. C'est une très très bonne question, j'ai une très très bonne réponse. Ouais. Quand on partira? Un autre message qu'on a reçu aussi sur Facebook de Tristan qui dit: pour ou contre les collègues qui vous montrent des photos de leur enfant sur leur smartphone? Contre, on passe à autre chose. Ah non, mais c'est, non mais honnêtement, c'est pénible. On fait pas que se montrer les photos, on échange, on discute aussi. Non. Quand t'as des parents qui arrivent et disent: ah ouais, je vais te montrer les photos. Attends que je te demande des photos. Ouais. Non mais si tu demandes pas, si tu sais quelqu'un a un enfant et que tu demandes pas de photos, pourquoi tu lui montrais? Est-ce que moi je vous dis: oh, je vais vous montrer ma nouvelle moto? Bon, tous les matins on écoute les messages vocaux que vous nous laissez sur notre application. Et on le sait, c'est toujours compliqué de dire à sa copine qu'on est au bar avec des potes. Ouais. Bah, l'un d'entre vous a trouvé la solution géniale. Manu, chez moi j'ai un bar. Le bar il s'appelle Au Boulot. Et quand ma copine m'appelle et me demande où je suis, eh ben je suis au boulot. Je mens pas, je suis honnête, je suis quelqu'un de bien. C'est génial. Alors, ouais. Mais là je m'adresse à tous les gens qui ont un bar. Les mecs, vous voulez que tous les gens viennent chez vous, appelez-le au boulot. Mais oui, oui. Je peux pas, je suis au boulot. C'est ouais. Génial. Mais alors, et même, vous appelez le bar au boulot et le restaurant en réunion. Je suis en réunion au boulot. Génial. Ouais, et puis quand tu rentres et que tu sens un peu la bière, tu dis: désolé, pot de départ. Voilà. Ça marche. Il y a une fille aussi qui nous demande si elle est bizarre, et là vous allez comprendre. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Bah voilà, je m'apprête à me coucher, et comme tous les soirs, je vais mettre le réveil dans la nuit, un peu au hasard. Je pense à 3h du matin, parce qu'en fait j'adore la sensation de me recoucher en me disant que en fait c'est pas encore le matin. Ça fait comme une deuxième nuit. Mmh. C'est bizarre ou pas? Ah. Oui, madame. C'est chelou. Faut pas rester là, il y a la boîte fermée là. Bon, y a un dernier message que je qualifierais de petit bijou. Salut Manu, salut l'équipe. C'est l'équipe à Manu, ou Manu et son équipe. Allez, bisous l'équipe à Manu. Bisous Manu et son équipe. L'équipe de Manu, Manu à son équipe. La belle équipe à Manu, ou Manu et sa belle équipe. Bonne journée. Faut qu'on lui présente la meuf d'avant. Des 6 heures. Des 6 heures. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur NRJ. I know I've given up 100 times before, but I know a miracle is not something to ignore. You take me for a fool. You take on est 50 et on est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50. Et on c'est un long métrage. C'est elle qui nettoie mes armes. C'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. La concurrence est affolée. J'suis à la radio, j'suis à la télé. Dans le carré VIP pour RDV. En train de tout casser. On est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50. Et on est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50. Ce vendredi, c'est la météo sur Énergie. Énergie, météo. Alors, profitons encore de ces derniers instants de méga maxi bonheur. Mais c'est vrai, on a des températures en ce moment, mais génial. Bon, certes, ça change souvent, mais c'est bien cool. 26 degrés sur Pau dans la journée, 30 à Perpignan. Non mais invitez-moi. 21 à Strasbourg, tous avec du soleil, hein, évidemment. 20 sur Paris, 17 pour Caen, j'adore. Un peu nuageux, mais c'est pas très grave. Et Lille, bah, il pleut, désolé, avec 16 degrés. J'ai quand même une bonne nouvelle. On écoute Imagine Dragons sur Énergie et Manu dans le 6-9 qui est là pour vous réveiller. C'est mieux que tout, Manu dans le 6-9. Je l'adore vraiment, il est tellement sympa et drôle. Et bah franchement, ça fait du bien le matin sur Énergie avec lui, je vous promets. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Within the past, knowing we are the youth. Caught until the beast, out of world without the peace. Face a bit of the truth. Yeah, you're a natural.

Là oui. Ah. Ah bon. Ouais. 5h55, soyez les bienvenus sur Énergie. 5h55, c'est le club du 555. Ouais. Malu dans le 6-9, officiellement on démarre à 6h. Mais... Si vous regardez vos contrats, si vous avez signé vos contrats, c'est marqué, on démarre l'émission à 6h. C'est vrai. Mais nous, c'est pas un contrat qui nous arrête. Petite augmentation peut-être, du coup, pour les 5 minutes. Ah, bah justement, j'allais dire que justement, nous, on n'était pas, pas là pour l'argent et, que, et qu'en fait, on démarrait avant et que voilà, mais apparemment. Désolé. Pas tout le monde. Mais toi peut-être, Isabelle, nous non. Nous, on est là pour l'amour vraiment des gens et ce qu'on a donné. Nous, on pourrait démarrer à 4 heures si on nous disait démarrer à 4 heures. Sûr. Apparemment, nous, sauf une personne. Mais c'est bien, tu es là depuis un mois et on commence à te découvrir effectivement. Je te cache pas qu'on s'était aperçu que tu payais rarement le café à la machine. Mais il n'y a pas de problème. Donc ma théorie s'écroule, c'est pas grave, on va directement écouter le titre du club du 555. Désolé Manu, j'en ai fait de me taire là. Ouais. En te remerciant bien évidemment. Avant de démarrer l'émission dans 4 minutes, oui c'est le club du 555. Chaque jour on s'écoute un titre, chaque jour on se fait plaisir. Et parfois le titre du 555 c'est pas moi qui le choisis, c'est vous. Et ce matin, écoutez ce message. Salut Manu, salut les ouin-ouin. C'était pour faire une petite requête, savoir s'il était possible qu'on puisse écouter Coolio, Gangster Paradise dans le club du 555 vendredi matin. Voilà, parce que tout le monde est en week-end, sauf moi. Je suis boulanger, enfin je suis pas le seul en France. Voilà, ça serait cool. Bisous. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of life. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.